Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine avec la participation du ministère de la Culture. À ma droite, le Jurassic Park des ondes, le Triceratops de la FM, le Terra Nova de la radio, Bob du club. Bonsoir les filles. Mais le Terra Nova saison 2. Voilà. Ah oui. On l'attend. À ses côtés, ils sont inséparables comme Brock et Schnock. Ah oui. Brock et vieux Schnock. C'est Maurice. Ah, salut à tous. Le roi de la blagouze. Face à eux, permanent de l'émission, oui. Dont on attend la montée sur scène. Non, le retour sur scène. Son retour. C'est incessant, on le sait. Mais il tourne. Oui, sur lui-même. Frédéric Costet. Ah. Mais tu lui dis pauvre type. Je sais pas ce qui me retient de pas te mettre ma main dans la gueule. L'émission sera réalisée. T'as maigri. Merci, Bob. Non, tu ne regardes pas dans le bon sens. Alors, l'émission Fumier, par réalisé par Frédéric, par David. Ah, il nous confond. Ah oui, il nous confond physiquement, c'est les mêmes. Et l'intendance de l'émission sera assurée par René, donc oui, on le remercie René. Parce qu'il fait quand René. Même un travail phénoménal. Bon, on s'excuse, mais cette émission est animée par Philippe Bello. Ah bah merde. Ça va être bien. Eh merde. Mais je croyais qu'il avait été nommé au gouvernement. Bah oui. J'y suis. Alors Frédéric, comme chaque semaine. Oui, mais t'as quoi comme poste alors? Un poste à galène. Ah. Tu as donc amené avec toi deux invités. Deux énormes vedettes. Qui connaissent l'émission. Oui. Ah oui. Dont un pour y être venu plusieurs fois. Plusieurs fois. Trois fois. T'as qu'à voir. Tu vois. Hein, et là, ils viennent nous présenter leur duo, les décaféinés. Oh ouais. Ouais. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Alias Clément Parmentier, que l'on découvre, et Rémi Deval, que l'on connaît déjà. Oui, qu'on connaît de longue date. Oui, Rémi, alors on le connaît parce qu'il était venu nous voir pour un one man. Voilà. Après, tu étais venu nous voir pourquoi? Pour une pièce. La partouze, une très bonne pièce. Ouais. Et une autre fois pour une autre pièce qui s'appelait Des Bobards à Maman. Qui était un peu moins bien parce que j'étais pas dedans. Voilà. Donc là, tu renouvelles l'expérience. Donc tu reviens nous voir, mais cette fois-ci donc avec un nouveau partenaire. Bah, on est un duo comique, on peut dire ça. Hein. Pardon. Hein, on est un duo comique. Ouais, grave. Ouais. Bah, on est deux dépressifs qui chantent des chansons. Pour s'en sortir. Pour s'en sortir, voilà. Et donc on prépare un spectacle où on chante des chansons en dépressif. Ah. J'ai toujours du mal à expliquer mes donc spectacles. C'est triste, alors. Normalement, on devrait en rire. C'est le malheur qui nous fait rire. Hein. Oui, c'est ça le problème. On ne demande que ça. C'est ça le problème. On me demande. Bah oui, parce qu'ils sont passés dans l'émission de Laurent Ruquier quand même. Ah, ben c'est vrai, on les a vus. On ne demande qu'à en rire. Ouais, ça ne se passe pas trop mal jusque-là. Ah, ouais. Bah, et comment on peut faire pour vous soutenir alors pour cette émission? La regarder déjà. Voilà. Non, c'est le public de l'émission qui vote, donc les gens le regardent et puis c'est tout. Quoi. D'accord. Puis on peut aller vous encourager sur votre site internet. Évidemment. Et oui, on a tout dessus. Hein. Lesdécaféinés.com. Ouais, sans accent par contre. Ouais. Ça fait lesdécaféinés.com. Voilà. C'est d'accord. Moins drôle. Mais, voilà. Mais sinon, bah, on, si c'est plus drôle, on imagine que de toute façon, même sur Facebook, via ta page Facebook, Rémi Deval. Il y a la page Les Décaféinés. Ah oui, il y a la page. Ah bah, il y a les t-shirts, les slips, les décaféinés. Il y a tout, les décaféinés. C'est pas possible. Il y a les God Michet à taille réelle de Rémi Deval. C'est un briquet. Heureusement. Je suis perdu, là, j'ai pas compris. Non, vous inquiétez pas, il y a des. Moi non plus, ça fuse dans cette émission. Ah oui, bah, de toute façon, tout à l'heure, vous irez faire un tour au Sex Shop avec Maurice. Parce que c'est bien, on va faire un trio pour une fois. Ah oui. Ouais, alors, Clément, toi, c'est la première fois que tu viens. Oui. Alors, mais alors, un peu tendu. Avant ce duo décaféiné, qu'est-ce que tu as commis? Rien. Oh, rien, moi j'étais plombier, donc. Toi aussi, t'es spécialiste des tuyaux, ouais. Comme Maurice. Non, bah moi je faisais du théâtre. J'ai rencontré Rémi d'ailleurs au théâtre d'Edgar, hein, puisqu'on jouait une pièce ensemble, dont vous avez fait un peu la promo il n'y a pas très longtemps. Oui, mais il jouait dans Les Emmerdes. Ah oui, oui. Et Les Emmerdes sonnent toujours deux fois. Ouais. Et donc voilà, moi je faisais pas mal de théâtre avant tout ça, et puis des petits trucs de court-métrage, des trucs comme ça. Et puis après, bah voilà, on s'est rencontrés et puis on a décidé de démarrer cette aventure-là, quoi. Ah ouais, donc c'est bien des comiques dépressifs. Et on voit ça. Et alors, vous écrivez tous les deux, comment ça se passe? C'est Rémi Deval qui se met à la guitare? Bah moi, je fais la musique. Oui. Et puis en ce moment, on écrit les textes ensemble aussi, parce qu'à deux, on écrit mieux. Mais attends, Philippe, excuse-moi, tu connais Rémi à la guitare, mais tu connais pas Rémi, producteur de musique, tu verras tout à l'heure. Ah oui. Ah non, il y a toute une orchestration. Rémi au synthé, quoi. Ah, parce que maintenant, il y a autre chose que la guitare. Bon temps pis, on l'appelle. Ah bah c'est maintenant. Une vraie piste de son. Non, une vraie piste son. Pas une piste de son, ça veut rien dire. T'écris une piste ça de son. Comment Une piste de son. Bon, alors on va essayer dans l'émission de vous faire chanter donc en direct ou pas ou... Ah mais bien sûr. Ah oui. Bon, la piste son sera préenregistrée, mais vous ne refusez, vous ne reculez devant aucun sacrifice. Sans filet. Non. Très bien. Alors vous allez voir que dans cette émission, Rémi le sait, mais il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Vous verrez qu'il y a des jeux. Vous verrez qu'il y a des tournées de blagues avec des blagues foirées de Maurice. Bien entendu, sans qu'il le fasse exprès, vous verrez comment ça se passe. Mais on va attendre que René le recharge d'une deuxième tournée. Vous verrez qu'il y a des épreuves. C'est déjà une épreuve. Et la première... Oui, j'ai fait une variante. C'est beaucoup moins drôle. Et la première, c'est le baptême de l'équipe adverse. Ah oui. Car oui, chers amis, vous formez deux équipes. Oui. Bah vas-y, continue, je te parle pas, toi. Vous formez deux équipes. Je te parle pas, toi. Et pour que nos auditeurs puissent, au fur et à mesure de la soirée, suivre l'évolution des points, il faut donner un nom à l'équipe adverse. Alors, je sais que Bob est très prolifique en termes de baptême. Alors, Bob, un petit nom pour Rémi, Clément et Fred. Ça fait une le trio infernal. D'accord. Ah oui, bon, là, ça va. Oui, c'est mignon. Les gars. Moi, je m'attendais à pire. Hein. Le trio infernal. Et pour en face? Oui. Les soufflés cacahuètes. C'est pas mal. Oui, oui, c'est dommage, il n'y a pas l'image. Mais... C'est vrai que tu as grossi un peu, Maurice. Non, pas du tout. Ah, si vous aviez l'image, vous constateriez. Mais là, tu ne vas pas bien, il a surtout du bas. Il a un centre de gravité très bas, Maurice. Vas-y, dis-lui. Allez, j'attends. Lâche-toi, Maurice. Donc, Non, enfin, je me retiens. Oui, s'il te plaît, jusqu'à la fin de l'émission. Donc, la première question pour le trio infernal cacahuètes. Oui, parce que c'est l'équipe qui a le plus de points qui gagne et je vous préviens, Bob est mauvais joueur. Voilà, compris. Et moi aussi. Donc là, je vais poser une question, il faut répondre. D'accord. Et en fait, c'est la première équipe qui répond qui fait marquer le point à son équipe. C'est une question très simple. Et pourquoi tu leur as déjà marqué 5 points? J'ai rien marqué, c'est non, mais non. Ah t'inquiète. Bon, d'accord. Première question très facile. Qu'a eu de particulier, en dehors le fait de se faire buter, John Fitzgerald Kennedy comme président des États-Unis? C'est un président des États-Unis du XXe siècle. Bah, il a failli qui faire... a eu au XXe siècle. Il a failli faire la Troisième Guerre mondiale. Oh bah, y a les autres aussi. Hein. Ah mais lui plus que les autres. Ça a été le 40e. Non. C'est donc un des présidents du XXe siècle aux États-Unis qui a eu le plus court. Non. C'était le plus petit. Non. Non, le plus coureur. Il avait le plus d'enfants. Non. La plus grosse bite. on l'a pas mesuré. Ah pardon. Non. C'est le seul qui était marié avec une Française. Ah, je sais c'était pas. C'était le seul catholique. C'était le seul catholique. Ah, oui. Et oui, exact. C'est bonne réponse. Exact. Bon, alors, puisque vous avez été sage, je pense que Maurice, ici présent, peut nous raconter la première blague d'un auditeur. La blague de Maurice vous est présentée par la maison de retraite des Trois Poussins. Maison de retraite des Trois Poussins, la maison où on finit bien. Les Trois Poussins. Alors, pourquoi les hommes égèrent? Non, d'habitude tu la foires pas celle du début. Oh là là, non. Là. Non, mais attends, c'est pas possible. Alors pourquoi les hommes éjaculent? Non, va pas si vite. Prends ton temps. Dans ton micro, Bob. Prends ton temps. Allez, prends ton temps, ma poule. Alors. Ma poule. Non, ma poule, t'as vu la gueule de la poule? C'est une vieille dinde. Allez, vas-y, maman. Et t'as vu le vieux poulet, là? Pourquoi les. Mets-toi en première, poulet. Déjà. Pourquoi les hommes éjaculent-ils par saccade? Bob. Par où? Quoi, Zob? Ah non, Bob, pardon. Tu sais pas? C'est pas, non. Parce que les femmes avalent par gorgée. Attendez, soyez sympa, n'envoyez pas non plus des trucs comme ça. N'envoyez pas des trucs comme ça, il les raconte. Bah oui, c'est ça le pire. Bon, alors les garçons, il faut réviser, car juste après cette courte pause, c'est la première tournée de blagues. Restez avec nous, on revient avec les décaféinés. Ouais. Retournons à se marrer avec les décaféinés, Maurice. Ouais. Ah ouais. Qui sont les décaféinés? On ne sait pas. C'est Rémi Deval et Clément, je ne sais pas. Parmentier. Oui. Patate. On n'a jamais dû te la faire, celle-là. Non. Mais c'est à Maurice que je la fais. Note un peu. Parmentier, ça y est, bon, la pomme de terre. C'est bon. Parmentier, très bien. Dans leur nouveau spectacle, la dépression musicale. Voilà, c'est le titre du spectacle. Voilà. Ah, c'est le titre du spectacle. Mmh. Mais le spectacle, il n'y a que des chansons ou il y a aussi des sketchs? Il y aura des parties sketch, bien sûr, oui, mais ouais. 70% de musique et de chansons. Ah, quand mais même. Chansons jouées, hein, c'est pas un concert. Oui, j'ai bien compris. Oui, oui. Ouais. Ah oui, c'est pas. Alors, on aura un petit exemple tout à l'heure. Ouais. C'est comme une comédie musicale. Voilà. Ah. Donc c'est mais sans Pascal Obispo. Ah oui, c'est moins chiant. Quoi. Et sans Adam et Ève. Voilà. Heureusement. Voici pour vous la première tournée de Black. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Ah, Maurice. Comment appelle-t-on un Polonais qui porte un chapeau de 50 000 balles? Le pape. Donc ça, c'est une blague il y a plus de 5 ans. Puisque maintenant, depuis 5 ans, le pape est allemand. Remplace Polonais par allemand. C'est pas possible. Oui. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Il comprend même pas ce qu'il lit. C'est incroyable. On la passera pas. Non alors, mais les gars, vous êtes d'accord avec moi. Il est complètement con. Non mais ça me rassure. On peut les prendre au hasard alors. Mais voilà. Alors on la coupera au montage. Ah oui, t'as raison. Alors Maurice, une petite blague. Alors comment appelle-t-on un Allemand qui porte un chapeau? Ça n'a pas de sens. Qui porte un chapeau de 50 000 balles? Angela Merkel. C'est vrai. Ah bah voilà. Ah oui, c'est bien. Mais tu fais pas ta chute? C'est tout. C'est Fred qui est tombé dedans. Ouais. Alors, une bonne blague de Bob. Ah oui. Une blonde dans un rayon cosmétique interroge le vendeur. Alors là, non, une vendeuse. C'est une vendeuse, on va dire. Ouais, c'est mieux qu'une vendeuse. Ouais. Vous cherchez un déodorant pour homme? Oui, oh là là. Un déodorant à boule, demande la vendeuse. Non, c'est pour les dessous des bras. Elle est bonne. Bon, non, elle est bien. Les applaudissements. J'ai pas d'applaudissements. Ah bon? Oh, bah, si c'est pour applaudir comme ça. Bien raconté, elle est bien. Un proverbe chien. Si ça ne se mange pas, si ça se. Tu vas comme Maurice. Si ça ne se mange pas, oui. Si ça ne se baise pas, oui. Pisse dessus. Bien. Oh bah dis donc, hein. Donc visiblement aujourd'hui c'est les soldes. Alors j'y vais. C'est trois mecs qui discutent et il dit putain les mecs, je suis certain que ma femme m'a trompé avec un mécanicien hier sous le lit, j'ai trouvé une clé à molette. Le deuxième qui dit « Oh bah merde, putain, ça peut pas être pire que moi, hein. Ma femme me trompe avec un motard, hier soir j'ai trouvé un casque sous le lit. » Et le mec « Putain, c'est terrible !» Parce que moi, ma femme, elle me trompe avec un cheval, hier il y avait un jockey sous le lit. Allez, les soldes. Bravo. On liquide. Alors moi, on liquide. Ouais. La blague de Rémi Deval. Oui, je vous préviens, c'est une blague de dépressif. Ah oui, s'il te plaît. Donc, c'est deux chèvres qui sont sur un bateau. Il y en a une qui s'appelle Babi et l'autre qui s'appelle Baba. Et il y a Baba qui tombe à l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Baba cool et Babi belle. Elle est bonne. Du dépressif, trouvé, quoi. La elle est dans le cadre, c'est bien. M'a dit la même, elles sinon. Sont super longues. La blague de Clément Parmentier. Quel président est chargé de boucher les trous? Je sais pas. George Bush. Elle est bien. C'est un jeu de mots. Elle est toute simple, tu fais, là. J'aime bien parce qu'il précise quand même, entre parenthèses, George Bush, B-O-U-C-H-E, quoi. D'accord. Oui. C'est des blagues de dépressif aujourd'hui. Oui, très bien. Voilà. Bon, c'est alors pour remonter un petit peu le niveau de ces blagues, s'il te plaît, oui. Moi j'aimerais quand même vous proposer une petite partie de 1 de plus. Ah. En fait, j'essaie de vous faire deviner, en l'occurrence, un personnage célèbre. Je vous donne des informations, 10 secondes d'informations, chacun votre tour, enfin chaque équipe. Et puis, bien, c'est au bout des 10 secondes, vous pouvez me proposer le nom d'un personnage. Sinon, ben, la main passe. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas un de plus, ça s'appelle la main passe. J'avais oublié. Donc, la main passe. Je vais commencer par l'équipe qui est menée, donc l'équipe des soufflés cacahuètes, pour vous faire trouver ce personnage. Maurice et Bob, est-ce que vous êtes prêts? Non. Oui. Donc, personnage célèbre, oui, oui. Top. Non, je suis né le 18 mai 1936 à Paris, acteur depuis 1966 et depuis 1978, humoriste français. Ah, j'ai pas précisé s'il était encore en vie ou s'il était mort, c'est vrai. Il aurait 76 ans. Ah, j'ai pas précisé. Il est mort, il est mort. 22 années, c'est comment tu l'appelles? Fernand Reynaud. Oui, on va dire ça, Fernand Reynaud. La main En 78, passe. Il était déjà mort. Hein. Top. Je me produis dans de petits cabarets. Très vite, l'humoriste qui sommeillait en moi devient une grande vedette, notamment grâce à mon spectacle du Café d'Edgar. L'Olympia, le festival... Vous pouvez vous consulter. Là, vous avez le droit de vous consulter. Popek. Oui, j'allais dire pareil. T'allais dire Popek, ouais. Ouais, c'est pas con. J'allais dire pareil. C'est pas con. J'allais dire Popek aussi. Ouais. Popek. Popek. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ouais. Bon, qu'est-ce qui t'a mis sur la voie, Clément? Le Café d'Edgar, parce qu'il y avait son flyer dans la loge. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'il a commencé, on le voit dans les aventures de Rabbi Jacob, par exemple. Exactement, c'était la suite effectivement, de ce que j'allais vous dire. Sous le nom de... c'était comment? Jean quelque chose. Il s'appelait pas Popek encore, il avait un nom de comédien. Et il est apparu récemment dans Le Pianiste, de Roman Polanski. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'était bien comme film. Et son nom, en fait, de... Son nom de scène, or, avant qu'il s'appelle Popek, c'était Jutka Herbstou. Non, mais ça, c'est son vrai nom. Oui. Moi, j'ai vu un film qui s'appelle Le Pianiste, qui était très bien pourtant. Mm. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est celui-là. Ah si, il est bien ce film. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Très, très, très drôle d'ailleurs. Ah oui, ah, oui. Christian Clavier. Moi, j'avais lu le livre qui était plus drôle, mais bon. Il y a la BD. Alors, on va continuer dans quelques instants à se déprimer un peu. Oui. Avec les décaféinés, yes. Puisqu'ils vont sortir leurs instruments pour nous interpréter Rémi. Une petite chanson. Non mais Rémi, remets ton pantalon. C'était une expression. C'est une expression, mais vous avez pas compris. J'arrête de manger les petites boules alors. Donc reste avec nous si vous voulez entendre le premier titre des décaféinés, c'est juste après cette courte pause. Retour d'On va se marrer avec Rémi Deval et Clément Parmentier. Ah, très alias. Bien. Alias. Ah, les dépressions. Les dépressions musicales. C'est pas possible. Ça, c'est le titre du spectacle. Mais non, Maurice, la les promo. Les décaféinés. Ah, bah, oui. Quand même. Quand même. Ah, bravo. Ah, bah, voilà. Bon alors, ils sont sur la scène dont on va se marrer. Ils vous ont préparé une petite chanson festive. Rémi Deval a sorti son bon tant pis. Ah oui. Voici une première chanson intitulée comment, Rémi? On n'a pas profité. Les décaféinés. C'est l'introduction. On n'est pas content, n'est pas content, n'est pas content, n'est pas content. On est parti en week-end, il a plu toute la journée, on n'a pas profité. On est allé au resto, la table était mal calée, on n'a pas profité. On est sorti en soirée, il y avait que des PD, on n'a pas profité. On est allé au ciné, sans lunettes pour la 3D, on n'a pas profité. Si ça continue comme ça, le moral sera trop bas. Si le destin pue du cul, on s'en remettra plus. Corée. Hop, à droite. On tape. Ouais, on retape. À gauche. Gauche. Stop. Aïe. Arrête. On a testé le sexe à 7, ma braguette était coincée, on n'a pas profité. On s'est maté un porno, mais il y avait des animaux. On a mangé du pâté, la date était dépassée, on n'a pas profité. Dégueulé, putain. On est allé faire du ski, en juillet c'est moitié prix, on n'a pas profité. Si ça continue comme ça, le moral sera trop bas. Si le destin pue du cul, on s'en remettra plus. Bon bah, Corée, hein. Corée. C'est pareil, quoi. Vous suivez, non? À gauche. Clément, tu marches dessus, Clément. Pardon. Arrête. Merci. Aïe. Aïe. Papier nu, on avait dit. On a joué aux petits chevaux sans le dé pour avancer. On n'a pas profité. On est allé au théâtre. L'acteur avait le pied dans le plâtre. On n'a pas profité. On a gagné au loto sans valider les numéros, on n'a pas profité. On a tenté les UV dans les yeux pour rigoler, on n'a pas profité. On a déchiré la rétine. Si ça continue comme ça, le moral sera trop bas. Si le destin pue du cul, on s'en remettra plus. Corée ? Corée. Oh là là. Ouais, bon. Trop de Corée, je crois. À droite. Attention, je vais tomber. Là. Bah, pardon. Passe. Hop. À mais gauche. Tu t'avances pas. Avance. Allez. Ouais, merci. Voilà. Voilà. Oh là là. Ouais, ça s'arrête quand même parce que ça saoule. Là. L'intro et la fin sont très longues. Attention, tu marches sur la bite. Ouais. C'est élégant. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bravo. Ah oui, c'est du texte. Hein. Ah non, alors là, c'est... Ah ouais. C'est alors, il y en a combien comme ça de chansons dans le spectacle, à peu près? 57. C'est un grand spectacle. On a une quinzaine, une petite quinzaine. D'accord. Et alors, toutes dans le même esprit. Enfin, voilà. On en verra tout à l'heure une deuxième, évidemment. Bon, la phrase de fin, elle n'était pas obligatoire. C'est pas trop ce qu'on dit en général. Ah oui, on parle pas de beat. C'est voilà, un hommage à Patrick Chanfray. Oui. Voilà. c'est une blague de Patrick Chanfray. Oui, mais c'est un habitué de l'émission. Les auditeurs le connaissent, évidemment. Il vient régulièrement, Patrick. Alors, les décaféinés, évidemment, on peut les voir sur Internet, Maurice. Oui, c'est les décaféinés. .com mais voilà. Sans accent les décaféinés. Voilà. Oui, et ils ont une page Facebook ou pas? Bien sûr. Alors justement puisqu'on a Maurice entre nous. Ah non. Enfin, on a Maurice avec nous, pardon. Entre toi si tu veux, mais pas entre nous. Maurice, vous le savez dans l'émission, Rémi le sait surtout, il a des blagues fétiches etc que les auditeurs adorent. Ah oui. Et maintenant on a une nouveauté. On a le... Tiens, d'ailleurs, faudrait qu'on ouvre un compte Twitter, on va se marrer. Oui. Donc on a le sketch de Maurice. Et c'est un sketch que l'on aime faire, on aime faire participer les invités. Les invités, ça s'appelle. Oui. Voilà. Donc, c'est le sketch du sex shop. Alors, dans notre sex shop, aujourd'hui, on a donc un vendeur et le patron. Donc, le vendeur peut même demander de l'aide à son patron. Voilà. Voici Maurice, la cliente. Donc, Maurissette. Avec qui vous voulez, comme vous voulez. Hein. Maurissette au sex shop. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. C'est pourquoi Je désirerais savoir qu'est-ce que vous avez comme godemichet. Alors si c'est le godemichet, mon employé va mieux vous répondre que moi. Alors qu'est-ce que vous avez en couleur, en diamètre, en longueur? Oh, on a une assez grande variété. En goût. Vous êtes plutôt couleur vive. Phosphorescente. Phosphorescente. Ouais, on a éventuellement. Qu'est-ce que vous avez essayé? Le phosphorescent, jamais. T'as mais... pas testé le fluorescent? Non, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Je t'avais dit de tester le fluorescent. Je sais, mais j'ai putain, attends, je t'embauche aussi. Attends, peut-être, mais tu testes le fluorescent. J'avais quoi. Toutes les couleurs primaires non, à essayer. Non, tu hier testes soir, le fluorescent, moi je te le dis, quoi, voilà. Bon, non, parce que tu t'acharnes sur les gros et tout ça, mais la couleur, ça a de l'importance. Alors tu testes les fluorescents, merde. Oh, faut pas l'engueuler, monsieur. C'est un pauvre garçon, quand même. Bon, excusez-moi. Bon, alors, et en couleur, qu'est-ce que vous avez, quand même? Bon, à part... Alors, bon, bah, on a du rouge, du vert, du bleu, du... Et en longueur et en épaisseur? En épaisseur... T'as testé l'épaisseur aussi. Oui, j'ai testé l'épaisseur, mais pas des phosphorescents, mais... Écoutez, vous êtes plus gros diamètre, vous avez... Oh, moyen quand même, moyen. Moyen, donc oui, quelque moyen. Chose d'assez général. Oui. Ça dépend des jours, ça dépend. Vous ça êtes en auto-lubrifié ou... Ça vous, arrive. Vous avez votre lubrifiant à vous? Ça arrive, j'ai le lubrifiant, j'ai tout. Non, parce qu'on a des modèles auto-lubrificateurs. Ah bon? Comme vous voulez, ça facilite un peu la chose. Ça fait gagner du temps et je les ai testés. Ah, c'est bien. Votre patron va être content là. Ah bah, j'espère bien. T'as testé celui à la cannelle. Hein. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Bon. Très bon celui-là. Un peu trop sucré. Mais t'es con, c'est. Oh, c'est pas là. Bon. Je crois qu'il l'a mal testé au mauvais endroit quand même. Oui, hein, non, mais après, chacun fait ce qu'il veut avec ses godes Michel. Exactement. Et celui qui est sous l'étagère là-bas. Pardon. Qui a une couleur un peu rouge là. Ah, rouge pompier. Oui. Et les pompiers, c'est bien en ce moment. Tout à fait. Justement, tu l'as testé celui-là? Clément, est-ce que tu as testé celui-là? J'ai uniquement travaillé sur la lance et j'attaque le tuyau pour le moment, mais toute la partie dure pour le moment, c'est pas encore. Celui-là, si tu le testes, il ne faut pas l'enclencher. Ah, c'est ça? Mais vous parlez de quoi, monsieur, en fait? Oui, c'est celui qui est sous l'étagère. Madame, pardon, excusez-moi. Oui, c'est pas grave. C'est votre moustache qui nous... C'est pas grave. C'est celui qui est sous l'étagère. Il n'y a pas d'étagère ici, monsieur. Non, ici, au fond du magasin. Oui, non, mais ça, monsieur, c'est un extincteur, madame. Ah, bravo. Je voudrais pas dire, mais je crois que c'est notre meilleure version. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, la chute est pas drôle. C'est le milieu du sketch qui est drôle. Bon, et alors, il faut vous dire aussi que c'est improvisé parce qu'ils étaient pas du tout au courant. Et voilà. Il y a que Maurice qui la connaît par cœur. Enfin, par cœur. Normalement. Oui. Bon, alors, on va marquer une très courte. Il avait l'air très intéressé par le concept d'auto-lubrifié. Bon, alors on va marquer une pause de façon à ce que Clément puisse expliquer ça à Maurice. Et on revient toi, hein. Oui, juste après avec, attention, l'épreuve du trivia. Ah. Et ça, vous l'attendez. Restez avec nous, on revient avec les décaféinés. Ouais. Retourne, on va se marrer avec les décaféinés. Oui, voilà, c'est ça. Alors, alias Rémi Deval et Clément Parmentier. Très bien. Donc on a eu une petite chanson des décaféinés tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça, Rémi? Parce que jusqu'à présent, tu nous avais habitués à des pièces de théâtre dignes de la Comédie française. Ah oui, des théâtres publics subventionnés. Subventionnés Paris et tout ça. Et là, Non, en fait, avec Clément, on s'est rencontrés sur une pièce de théâtre. Et dans cette pièce, il fallait. au café d'Edgar avec Popek, je crois. Oui, c'était pas la même année. En fait, dans cette pièce de théâtre, il fallait. Il y avait un moment où il y avait une chanson. Oui. Et moi, pour déconner, je l'ai écrite moi-même, la chanson. J'ai fait une petite chanson ringarde comme ça. C'était par rapport à la pièce, on faisait un boys band ringard. Mmh. Et voilà. Et, c'est toi qui avais écrit la chanson? Ouais. C'est la petite chanson pourrie. Mais oui. Voilà. Quand la vie. Et du coup, comme Clément était là, on a bien déconné à faire cette chanson et on s'est dit pourquoi on ferait pas un spectacle avec des chansons originales comme ça et en dépressif, c'est encore plus drôle. Le contraste dépressif qui chante. Voilà. Bah oui. Bah, c'est une très bonne idée. On a vu. Enfin, on en aura un autre extrait tout à l'heure, mais déjà le premier nous a bien fait marrer. Ça a bien fonctionné. Et à Cherukier, donc ça fonctionne bien aussi. Ah bah, c'est avec cette chanson qu'on a entendue qu'ils ont fait leur premier passage. Voilà. Voilà. Très bien. On n'a pas profité. Ouais. On allait là-bas avec un poireau et un brocoli. Oui. Et c'est passé. Ah. Et la deuxième fois, on y est retourné avec une serpillière et un seau à serpillière. Ah. Donc on verra jusqu'où on peut aller. Pour l'instant, ils aiment. Bon, eh ben on va vous suivre sur France 2. Mais en attendant, comme chaque semaine, j'ai tiré au hasard. Ça fait des années que tu tires au hasard, mon prof. Deux cartes dans le boîtier du trivial. Attention, nouveauté. Ah oui. De 1991. Ah oui. Oui, parce qu'avant, c'était le trivial de 1985. 7. Ou 5, oui, 85. Oui, oui. Ouais. Maintenant, c'est le trivial de 1985. Il a juste 50 plus. Mais oui, oui. Bah oui, mais quand même, ça change. Ah bah oui. Deux cartes, 6 questions par carte, une carte par équipe. Le but du jeu étant de répondre au plus grand nombre de questions pour marquer le maximum de points. Attention, Pierre Belmar arrive. Attention. Chaque bonne réponse rapportant un point, sauf si toutefois, parce que vous avez le droit de vous consulter, si toutefois vous connaissez la réponse sans vous consulter, dans ces cas-là, vous dites « cash » et vous donnez la réponse. Si c'est la bonne réponse, c'est deux points qui seront marqués pour votre équipe. C'est extraordinaire. Si toutefois vous répondez à côté ou c'est alors il est dans l'ambiance, c'est Pierre Belmar dépressif aujourd'hui. Si vous ne savez pas répondre, chers amis, eh bien c'est l'équipe adverse qui pourra répondre à votre place et marquer le point. Comme chaque semaine, pour éviter toute contestation ultérieure, je fais choisir la carte à Bob parce qu'il est très mauvais joueur et surtout il réclame chaque semaine. D'abord, Bob, c'est... la carte numéro 1 ou la numéro 2 ? Qu'est-ce que t'en penses ? La 1 ou la 2 ? Je prendrais la 2, moi. La 1 ou la 2 alors ? La 1, alors. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Maurice a dit la 2, parce que comme il ne parle pas devant son micro. Mais si on a entendu la 2, et Bob a pris la 1. Oui. Et nous allons d'ailleurs commencer par l'équipe des soufflés cacahuètes, puisque pour l'instant, vous n'avez pas de points. Et il serait temps que vous on en marquiez. Pas de points ? Zéro. Ah, hein. C'est pas beaucoup. Non. Donc attention, la question première carte, c'est pour eux. Les soufflés cacahuètes, vous êtes prêts ? Oui. Top. À quel homme politique du XXe siècle ont été dédiées les chansons Freedom Now de Tracy Chapman et Assi Bonanga de Johnny Clegg? C'est pour toi, Maurice. Un homme politique du XXe siècle. Deux chansons. Alors, pour vous, Assi Bonanga de Johnny Clegg. Assi Bonanga. Ouais, bah donne-leur la réponse aussi. Na, na, na, na, na, na. Alors, un homme politique du XXe siècle important. Mao Tse-tung. Je sais pas, le Che. Oui, vas-y. Le. Non, c'est pas le Che. Je sais pas. Vous me dites le Che. Moi, je dis au hasard, là, puisque je ne sais pas. T'as un autre homme politique du XXe siècle ? Sinon, t'as De Gaulle. T'as... Ah, non. Antoine Pinay. Oui. Antoine Pinay. Ah, le. Celui qui a l'ONU, là. Ah non, il a pas été un homme. Non. Bon, alors, donc le Che, eh bien, c'est une mauvaise réponse. J'imagine que l'équipe du trio infernal a la bonne réponse. Nelson Mandela ? Ah oui. Bah oui, Nelson Mandela. Oui, c'est bah ça. Oui. Pourquoi tu me demandes ? Bah oui, Nelson Mandela. Pourquoi tu me regardes ? C'est Clément qui a la bonne réponse. Ah bah oui, c'est Clément qui a la bonne réponse, oui. Non, c'est une réponse collégiale. Oui, alors c'est quand même un point de marqué pour votre équipe. J'ai oublié de dire cash. Bah non, c'est pas pour vous. C'est que quand c'est notre carte, on peut faire cash. Quel personnage de bande dessinée d'origine italienne, créée par Liberatore, évolue à New York en 1997. Et je précise quand même. Ça aide bien la carte 2. Je précise quand même que ces bandes dessinées n'étaient pas. Ces bandes dessinées ne sont pas imprimées sur un photocopieur. Je vois pas le rapport. Quel personnage de bande dessinée d'origine Picsou. Italienne non. Créé par Liberatore, oui, évolue italien. À New York en 1997. Non, pas d'idée. Elle est difficile. Ah non, on n'a aucune idée. Bon, là. Alors, là, est-ce que vous avez une idée ? Alors, c'est soit Canon, soit Xerox. La ah, maman. C'est pour ça qu'il a dit ça. Donc, vous me dites. Spaghetti Man. Mais non. Il a donné un indice avec le photocopieur. Fred écoute toujours tous les indices. Ah, c'est les. C'est Canon Man ou Xerox Man ou je sais pas quoi. Il y a personne ne connaît la bande dessinée dans ce plateau. Alors, au hasard alors. Bon, Canon Man. C'était Rang Xerox. Bah voilà. Rang bah Xerox. Voilà. Ah, alors Bob, là c'est une question pour toi. Que signifiaient les initiales? Que signifiait? Oui, ça va, on a compris là, cette fois-ci. Les initiales du groupe phare d'Andreas Bader. Ah bah oui. C'est les Brigades Rouges. Cash, les Brigades Rouges. Deux points. Non, pas exactement. Pourquoi ? C'est Fraction Armée Rouge. Enfin, oui, enfin. Mais c'est pareil. Oh, bah, là, c'est quand même les Brigades Rouges. On est obligé d'accepter. Bon. Quel sport est au centre des films Saluté de John Ford et la grande. Ah oui, il y avait marqué les Brigades Rouges sur ta carte ? Non. C'est Fraction Armée Rouge, hein, parce que les Brigades Rouges c'était en Italie. Fraction Armée Rouge c'était en Allemagne avec Bader. C'est pas pareil. Mais là, il parle de l'Italie ? Eh ben oui, pourquoi ? Parce que Bader c'était en Allemagne, c'était pas en Italie. C'était Fraction Armée Rouge, c'était pas Brigade Rouge. Ah, il est mauvais joueur. Marque-lui 3 points qu'on n'en parle plus. Non, mais c'est vrai qu'il a pas tort. Il n'y a pas marqué Brigade Rouge sur la carte. Ah, il y a des règles. Par FAR, Fraction Armée Rouge. Raye notre point et mets-lui un. Oh, qu'il est pas content, le veuve, il est énervé. Quel sport est au centre des films Saluté de John Ford ? Aucune idée. Et attends, il y en a un deuxième. Ah, il y en a un deuxième. Et la grande combine de Billy Wilder. C'est pour Fred, ça. C'est lui qui sait ça. J'ai pas écouté. Je sais pas. Quel sport américain est au centre des films... Le football américain. La boxe française. Non, la boxe américaine. Alors, tu me dis... La boxe américaine. Cash. Tu mais non, il fait un cash, bon sang. Cash, et tu me dis... La boxe américaine. La mais boxe non la boxe, mais la boxe est anglais. La boxe américaine, elle est anglaise. Oui. Quel sport américain... Alors, je te répète la question. Quel sport est au... américain est allez. Au... Alors, cash... Cash, boxe et tout... C'est la boxe ou le football, alors ? Mais non, c'est pas la boxe. Mais c'est le football. C'est le football. Je l'ai dit, football. Mais pourquoi compris, mais pourquoi mais, non, mais Maurice a dit le football américain cash et oui. Fred lui a fait changer. Ah bah oui. Mais non, ça... mais il a dit cash le football. Ah bon, ça va alors. Ah, parce que sinon Bob va continuer à me faire la gueule. Oui, non, mais là c'est insensé quand même, arriver à convaincre Maurice comme ça. Alors, quelle est la montagne la plus haute du monde telle qu'un satellite américain l'a découverte en 1987. Ah bon ? On l'a découverte bien avant ça. Hein. C'est l'Everest. La montagne la plus haute du monde. 8827 ou quelque chose. C'est pas ça. Tu veux la chaîne ou tu veux le mont ? Je veux le mont. Le mont, c'est l'Himalaya. Non. C'est le mont Everest. Non. Bah, j'en connais pas d'autres qui sont aussi hauts. Ah, ça y est, non, mais je l'ai vexé, c'est bon. Mais non, mais alors Fred, est-ce que sur tu sur la Terre, hein ? Ah ben. Parce qu'il y a plus haut que ça, hein, sur Mars. Ah. 24 000 mètres sur Mars. Alors vas-y. Le mot Olympe. Non, c'est pas ça. C'est sur Mars ? J'ai essayé de lui faire trouver. Quelle est la montagne la plus haute du monde ? Telle qu'un satellite américain l'a découverte en 1987. C'est pas... Non, c'est sur Terre. Je sais pas. Non, tu peux le dire dans le micro. Vas-y. Le K2 Le K2, c'est un plus de 8000 aussi, mais il est... Ouais. L'Everest est plus haut encore. Oui, c'est le toit du monde, l'Everest. Ouais. C'est ce qu'on dit toujours. Bah, je dirais le K2 quand même. Oui, bah, c'est le K2. Hein. Eh ben non. Alors là, écoute, c'est pas la plus haute du monde. Telle que t'as l'Annapurna aussi, que c'est un plus de 8000. Tout ça, c'est dans le même massif. Ah ben moi, je sais pas. Hein, Bob, Philippe, tu cherches la merde. Bon, écoute, alors on va faire la dernière question. De quelle capitale européenne la rue Neuve est-elle l'artère chic ? Il y a une capitale européenne. Ça s'appelle la rue Neuve. Voilà. Dans cette capitale, la rue Neuve. Londres. Vas-y, et l'artère. Cash, est-ce que tu dis cash là ? Allez, Boris, cash. Vas-y, lance-toi. Cash, Bruxelles. Ah, bonne réponse. Aïe, aïe, aïe, bah dis donc, hein, c'était pas facile. J'aimerais quand même qu'on vérifie sur Internet oui. Le toit du monde. Ah bah on va vérifier, tiens, on va je propose... T'as réussi à nous vexer Bob avec les Brigades Rouges. Ah oui, là, mais là, oui. Bon. Bon, on va marquer une courte pause, comme ça on va vérifier cette histoire de d'Everest. Et puis alors attention, Clément et Rémi, enfin et Fred aussi bien sûr, juste après la pause, c'est votre carte. Ah bah oui. Oui, bah oui. Puisque, cool. Et là pour l'instant, juste avant la pause, nous en sommes à 5 à 4... 5 pour le trio infernal, 4 pour les soufflés cacahuètes. Et vous avez eu la carte facile, donc on va l'avoir difficile. Oui. Ah, oui, vous allez gagner. Allez, on revient juste après ça. Retour de la bande à Bader avec Bob du club. Bah alors pendant la pause, la bande à Bader, la bande qui manque pas d'air. On a vérifié. Alors effectivement, Bob a tout à fait raison. L'Everest est aujourd'hui la plus haute montagne du aujourd'hui monde. Aujourd'hui et avant aussi. Oui. Sauf que, sauf qu'effectivement, il y a un Américain qui a jeté le trouble. C'est ça. Personne n'est parfait. Hein. Oui. Bah oui, mais bon donc et qui effectivement pendant 2 ans a laissé courir le bruit que. Le K2 était supérieur de 200 mètres à l'Everest. Oui, c'est quand même incroyable. Bon, bah... Mais après, on l'a dit, bon, retourne dans ta niche, voilà. C'est l'Everest le plus haut. Voilà, et donc, tu confirmes que FAR, phare, c'est les fractions armées. Oui, bien sûr. Tout à fait. Je confirme, en Italie. Je confirme aussi. Merci. Alors, juste avant la pause, on a fait la carte de l'équipe des soufflés cacahuètes. Maintenant, c'est le trio infernal. C'est nous. Avec les décaféinés. Prêt, les gars ? On est prêts. Oui, oui, oh oui. Vous avez vu, c'est simple. Hein, il faut dire cash. Enfin, c'est simple. Oh oui, nous sommes prêts. Alors, si vous n'êtes pas sûr du mais cash. C'est un bordel dans tes points, tu fais comment là finalement ? C'est bon, je m'en suis démerdé. D'accord. Voici votre carte. Si vous n'êtes pas sûr du cash, par contre, vous pouvez vous consulter. Oui. Ouais. N'hésitez pas. Surtout. Toujours ensemble. Surtout, n'hésitez pas. Non, on n'hésitera pas. C'est parti. Quel maréchal célèbre du XXe siècle a une statue à son effigie sur le Champ de Mars à Paris ? Tombe bien, on a des Parisiens autour de la table. Alors là. Alors, la réponse commence par c'est le maréchal. Voilà, c'est un maréchal. C'est André Dassary est dans ce studio. Ce serait pas Delattre de Tassigny. Tu crois que Delattre de Tassigny ou Leclerc ? Il n'était pas général, Leclerc ? Bah, il est devenu maréchal. Tu dis Delattre ? Vous avez vu une statue de Louis XIV, vous ? Moi, je dirais Leclerc, comme toi. Champ de Mars. Au Champ de Mars. À côté des Champs-Élysées, vous pensez qu'il y a un maréchal du XXe siècle, tu as dit. Hein. Un maréchal du célèbre du XXe siècle. Oui. Bon, bah moi j'en ai une en bas de chez moi, une statue de Leclerc. Un grand panneau bleu, là. Ah oui, les magasins. Avec une boule. On est 2-1 sur Delattre, on va dire Delattre, hein, peut-être. Je pense aussi, ouais. Ah. Bon. D'accord. Allez, allons-y. Delattre de Tassigny. Non, la main passe. Alors, Leclerc, il y en a un, mais il est Porte d'Orléans. Bah oui. Hein c'est Joffre. Ah, c'est correct. Ah bah, je pensais pas que Joffre était le 20e siècle. Bah oui, bravo. Pas bien. Plus fort. Mais alors, il s'est illustré en quelle guerre, le maréchal Joffre ? Toutes. Dans la rubrique. La première guerre mondiale. Dans la rubrique à braque de Gottlieb. Quel petit animal commente l'action au hasard des pages ? Cash. Cash. C'est à moi. Mais il irait nous piquer il irait c'est nous ôter le pain de la bouche. Cash, la coccinelle. Et oui. Oh là là, 2 points. Ah. Bravo. Ça, je le savais. Tu vois. De quel pays le Bangladesh fit-il sécession pour fonder son indépendance en 1971. Le Pakistan, non ? Tu crois ? Il me semble que c'est... Je mettrais ça... Ah, peut-être, ouais. Attends, Bangladesh, Pakistan. Bangladesh, ouais, peut-être. En plus, c'est bien la musique, d'ailleurs, ça fait un peu Bollywood. Ah, je sais pas. Ouais, moi, je dirais ça aussi. Pakistan, ouais. Ouais. Rémi, tu joues pas ? Rémi, t'es là ? Je veux pas jouer avec Rémi, un avis. Rémi, on est en train de le perdre. On est en train de le perdre de la bouche pour dire je ne sais pas. Demande-leur la réponse complète. J'ai que deux mots. C'est ça. Le, c'est ça ? Le premier mot, c'est le. Ah, je sais pas. Le Pakistan. Ouais, je dirais le Pakistan. Bah, d'accord. Allez, le Pakistan. Oui, c'est correct. J'ai bien fait d'être là. Pakistan occidental. D'accord. Moi, j'ai le Pakistan. Dans Un Américain à Paris. Oui. Quelle est la profession exercée par Gene Kelly ? Il est faiseur de pluie. Alors, vous revoyez le film, Un Américain à Paris. Cash, journaliste. Cash, journaliste. Et non, la main passe. Ah, bravo. Bob et Maurice, vous avez vu le film Un Américain à Paris ? Gene Kelly, qu'est-ce qu'il fait à Montmartre ? Jean. Il danse, il est Jean. Peintre. Comme c'est du Jean, tu sais. Il toi, est peintre. C'est correct. Ah putain, oui. Où était situé le centre d'études des V1 et V2 de Werner. De Werner von Braun. De Werner von Braun. Wien, la Seconde Guerre mondiale. Quoi ? Oh putain. C'est quand même le père de la bombe atomique. Hein. Où était situé le centre d'études des V1 et V2 de Werner von Braun pendant la Seconde Guerre mondiale ? Donc j'ai le nom de la ville. Ah, c'est le nom de la ville que tu veux ? Je pense. Je te dis. Je l'ai lu en plus. Oui. Parce que c'est celui qui a créé le programme spatial américain, si je ne m'abuse. Après, il a été recruté par les Américains. Ah, après. Oui. Ah ben, Von Braun, oui, c'est le... C'est le créateur du programme spatial américain. Tout à fait. Dans les, on le voit dans l'étoffe des héros. Hmm ah. Et donc là, c'est une ville allemande. Oui, que tu me demandes. Oui, oui. Stuttgart, c'est pas ça ? Bonne. Je sais pas. Stuttgart ? Stuttgart ? Non. Non, c'est une ville du nord. C'est... Lille ? Hanovre. Ah, Hanovre, ça me plairait bien. Hanovre. Mais c'est non, pas non. Le point, toi, non plus. Ah merde, non. Ça a passé. C'est passé, Cole, pardon. Oui. C'est Cologne. Non. Cologne. Ah. Non, c'était Penmund. Ouais, ah oui, d'accord. C'est ça, oui. Deuxième c'est oui, le Penmund. Et enfin, quel président américain du 20e siècle figure sur les pièces de Dissens ? Putain. T'en as pas une là sous la main ? Oh là là là là là, qu'est-ce que j'en sais ? Oh ! Rémi Deval, une pièce de Dissens. Kennedy, il est sur les. Ça fait pas beaucoup. Le demi, je crois. Jefferson. Ah, pas du 20e siècle, non. Jefferson. Ah, du 20e siècle ? Oui, ah, oui. J'avais pas entendu du 20e siècle. Jefferson. T'es aussi. Con. Obama. Alors, Woodrow Wilson. Grant. Carter. Dissens. Alors ? Dissens. Roosevelt. Roosevelt, il est pas sur un billet ? Il y a deux Roosevelt, donc tu peux. Oui. Ah bah oui, tiens. Ah, c'est pas con. Roosevelt ou... Ouais, allez, Roosevelt. Roosevelt. Eh bien, c'est Roosevelt. C'est lequel, ouais, c'est lequel. Faut lui demander. C'est lequel. Faut lui demander le prénom. Il y en a deux. Ah, il y en a deux. Mais ils ont tous les deux été présidents. Ah oui. Au 20e siècle. Oui, tous les deux. Franklin D ou Théodore. Voilà. Franklin D. Oui. Bravo. Et Théodore Roosevelt, c'est à lui qu'on doit l'ours en pluche. Ah. C'est pour ça que l'ours en plus s'appelle le teddy bear, parce qu'il avait offert des petits ours en plus aux enfants américains, et donc ça s'appelait le teddy bear. Voilà, enfin. Lui, c'est entre les deux guerres. Hein. Est-ce que tu peux réveiller Rémi Deval ? Moins, moins on a de culture, plus on l'étale. Allez. Alors, par contre, je dois dire quand même que là, 6 et 3, 9, 9 points. Ah, face à 6 quand même, n'est pas perdu. Tu veux manger le bretzel, non, Rémi ? Tout n'est pas perdu. Alors. Avant de rendre l'antenne... Il fait comme, tu sais, comme dans rendez les... l'antenne. Il donne à manger aux animaux. Pinot, rendez l'antenne. Vous savez que dans l'émission, on a la roulette russe. Ah oui. Alors la roulette russe, en fait, c'est très simple. Je vous propose des mots qui correspondent à des blagues historiques de Maurice. Vous dites stop quand vous voulez et automatiquement, sans ses notes, Maurice nous raconte cette fabuleuse blague. Avec du mal. Non. Puis t'as intérêt à bien la raconter parce que sinon je me lève et je t'en colle une. Clément, comme t'es la première fois que tu viens, on va te laisser dire stop quand tu veux. C'est gentil, merci. Attention, top roulette russe. Je te mets pas la pression, Clément. Non. Araignée, ostréiculteur, poussin, Maya l'abeille, clocher, perchiste, skieur juif. Stop. Ah, celle-là, alors là, oui. Les skieurs juifs. Attention, Maurice. Oui. Sans les notes. Alors mon cher Clément et cher Rémi, parce qu'ils sont durs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a deux skieurs juifs qui sont sur les pistes de sport d'hiver. Et il y en a un qui dit à l'autre... Qu'est-ce qu'il dit à l'autre? Qu'est-ce qu'il dit à l'autre ? Tu m'as jamais fait tout ça. Schlalom. Oh ! Ah, il a fallu qu'il prenne son élan quand même. Hein. Non, elle est passée. Elle est passée. Il a fallu qu'il prenne son élan parce que d'habitude il dit Schlalom, il dit, tout sauf ce qu'il faut. Oui. Elle est pas mal. T'as pas un petit exemple de blague foirée de Maurice pour nos amis ? Si, éventuellement, mais on l'aura tout à l'heure peut-être. Ah, on fait un teasing, alors restez avec nous, il y aura une blague foirée. Il y aura une blague foirée et puis il y aura d'autres blagues, puisque comme Maurice nous a mis l'eau à la bouche, on aura la prochaine tournée de blagues, mais ça sera juste après cette courte pause. Restez avec nous, on revient avec les décaféinés. Ouais. Retour, on va se marrer. avec Clément Parmentier et Rémi Deval, alias... Ouais alias Les Déinés. Ouais bravo. Dans le spectacle Dépression musicale. Dans le bon ordre. Bientôt. Et qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? C'est des sketchs musicaux de gens déprimés. Voilà. Voilà. Ah, bah, très bien. C'est deux dépressifs qui chantent des chansons. Oh. Et alors, Maurice, où est-ce qu'on peut les retrouver ? Partout, bientôt en France, bientôt à Paris et de temps à autre chez Laurent Ruquier. Mais surtout. Ouais. Chez, non, c'est pas chez Laurent Ruquier. Non, pas dans son lui. Émission. Dans son émission. Pas mais surtout. Mais surtout sur Laurent Ruquier. Sur Facebook et Internet. Sur voilà. Internet, partout. C'est lesdécaféinés.com. Voilà. Alors, dans vos chances. Si tu cherches ta liste de trucs à enregistrer, elle est au dos de la page. Non, c'est tes trucs à toi qui est derrière. Là. Donc, dans les chansons, on en aura une dans quelques minutes d'ailleurs. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme thème ? Oh, c'est les petits tracas de la vie de tous les jours. Ils sont pas bien dégourdis quand même. Mmh. Voilà, non. Et puis oui, on s'aperçoit que c'est ils sont un peu. Nos titres de chansons peuvent en dire un peu peut-être. Oui, ouais. On peut avoir des exemples. On a une chanson qui s'appelle Elle part parce que t'es con. Notamment. On a une autre qui s'appelle Elle a l'œil qui part en couille. Ah oui. On voilà. A. Des petits détails voilà, ouais. Pourris, mais on est très absurde. Voilà. On s'acharne sur des détails un peu. Ouais. On est très barré, très absurde. Et alors, en termes de... Là, on a entendu tout à l'heure donc la musique, effectivement, qui a été... grand moment. Un grand moment musical. Grand moment de radio. Mais tout ça, c'est... Michel Legrand s'est tiré une balle, là. Vladimir Cosma aussi. Donc là, c'est toi qui réalises tous les enregistrements musicaux. Comment ça se passe ? Bah, j'ai un synthé qu'on m'a offert dans les années 90, ah. Que j'ai toujours chez moi. Donc je me sers de ça pour faire la musique. Oui. Puis après, t'enregistres avec un orchestre, salle Playel. Exactement. Il y a même une disquette dessus. On enregistre sur un synthé à disquette. C'est ça. Alors ouais. Après, il faut prendre la disquette avec la musique dessus et il faut faire tout Paris pour trouver un lecteur de disquette et se l'envoyer par mail pour se retrouver chez soi avec la piste qui est difficile à lire du coup parce que c'est un vieux format. Ah oui, donc c'est vous avez quand même la vie dure en fait. Pourquoi tu crois qu'ils sont dépressifs? c'est ce qui fait facile, ce son pourri et donc plutôt rigolo en fait. Ah bah oui, non. On n'avait pas remarqué que c'était pourri, nous. C'était non, sympathique. On le retravaille on pas un peu, remarqué en fait. Que c'était rigolo non plus. Les sons un peu désuets, disons. Oui. Désuets. Bon, alors. Ce mot désuet. C'est désagréable comme mot. C'est désuet, c'est désagréable. On espère que vous avez eu le temps de réviser vos blagues, car voici une nouvelle tournée de blagues. On dirait Maurice. Ah, pardon. Mais avec le bon jingle, c'est mieux. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Avec bien sûr Maurice et son sponsor. La blague de Maurice vous est présentée par la Cotorep. Cotorep, faisons bouger le handicap. Elle est drôle celle-là. C'est longtemps qu'on l'avait pas entendu. Faisons bouger le handicap. Ouais. C'est dur, très dur. C'est malin la régie là-bas. Hein. Allez Maurice. C'est un couple qui est sous tension après une récente dispute. Ah. Et ne communique plus que par écrit. Ah. La veille, le mari écrit « Réveille-moi à 7 heures ». Le lendemain à 10 heures, l'homme se réveille furieux et aperçoit un mot au chevet du lit. Debout, il est 7 heures. Je ne connaissais pas. Un enfant voit sa mère nue pour la première fois. Ah merde, maman, c'est quoi ça ? Dit le petit enfant en désignant le sexe de sa mère. Alors la mère, un peu gênée, dit « Ça, c'est le coup de hache du bon Dieu. » Oh, pas de bol ! En plein dans la chatte. Oh, Ah bah écoutez, j'arrive directement de Bruxelles. Il faut que je vous raconte un truc quand même. Hier soir, C'est vrai qu'on a diffusé en Belgique. Exactement, je salue tous mes compatriotes qui m'écoutent, très nombreux. Et j'ai passé une excellente soirée à Paris, voyez-vous, n'est-ce pas ? Et je suis allé à Pigalle, car j'avais écouté la chanson de Serge Lama. Parce qu'on écoute ne Serge Lama. Ne me quitte pas. Non, pas ne me quitte pas, les petites femmes de Pigalle. Et donc je vais donc voir dans un hôtel si je trouve une pute, pour tester quand même les petites femmes de Pigalle. Hein. Et là, j'en trouve une. Donc je demande c'est combien. Elle me dit 500 euros. Alors vous savez que nous en Belgique, on a les euros aussi, mais c'est moins cher que chez vous. Alors, je dis non, moi je peux pas mettre 500 euros, c'est pas possible, vous n'avez pas moins cher. Elle dit bah si, si vous voulez. Vous voulez mettre combien? Ben, je dis bah, je voudrais bien mettre 15 ou 20 francs belges. Parce que j'en ai encore, il faut que je les change. Ah oui, ah oui. Alors elle me dit bah, 15 francs belges, bah, à la limite, t'as la Lucienne au dernier étage. Ah. Alors je monte au dernier étage, j'ouvre la porte. Et là, ça, c'était le bruit de la porte. Et là, il y a une pénombre catastrophique dans cette pièce. On ne voit rien du tout. Et puis, pénombre catastrophique. Et alors, surtout, ce qui m'a catastrophé le plus, c'est l'odeur. Oui. Écoutez, c'est que ça m'a rappelé quand je vais manger chez Maurice et qu'il n'a pas fait la vaisselle depuis deux jours. Enfin, disons depuis deux mois. Bon, disons depuis deux ans. Bon, coupe tout et puis... Alors, à ce moment-là, je vois sur le lit une espèce de vieille... bonjour madame. Bonjour monsieur. Il paraît que je peux vous faire des trucs pour 15 francs belges. Oui, si tu veux. Pour 15 francs belges, tu peux me brouter Minou. Oh, bon, alors. Elle soulève la robe. Alors là, je vous dis pas. Là, dommage, j'avais pas de masque à gaz. Mon Dieu. J'ai peur que le bon Dieu soit pour rien là-dedans. J'avais pas de masque à gaz sous la main, alors là, c'était l'horreur. L'horreur. En même temps, c'est pas sous la main que ça se met. Hein. C'est pour vous dire, j'ai mon iPhone qui s'est fissuré. Ah oui. Alors l'horreur. Bon, mais je me dis, après tout, maintenant que j'ai monté les 7 étages et que je suis là, bon, allez, 15 francs belges. Bon, alors du coup, je me mets à l'attaque. Et puis, d'un seul coup... je vois des trucs qui bougent. Oh. Ça grouille. Oh non. Des sortes de Pac-Man. Oh. L'horreur. Alors je me dis, attends, mais c'est pas possible. Mais enfin, mais c'est des morpions. Ben quoi? Pour 15 francs belges, tu veux pas des gambasses non plus. Oh là là. C'est désopilant. Voilà. Alors forcément, moi j'arrive après. Fais un petit accent. Oh bah oui. Bon, Maurice. Oui. Il paraît que quand tu vas en Italie à Pise, oui. Si tu vois la tour la tour penche vers la gauche, c'est qu'il va pleuvoir. Moi, ce que je te demande, c'est ce que ça veut dire si la tour penche vers la droite. Non. Non. Qu'est-ce que ça veut dire si la tour penche vers la droite quand il va faire beau. Ben non, ça veut dire que t'arrives de l'autre côté, connard. Non. Oui, bah si, mon jingle. Si, mon jingle. Merci. On peut pas arriver de l'autre côté. Bon, la blague de Rémi Devant. Je vais imiter les personnages, donc je vais les incarner. Ah oui, vas-y, incarne. Bah, dis-moi, maman. Maman. Ah, oui. T'as un concurrent, Philippe. Dis-moi, maman. Oui, ma chérie. Maman, quand je serai grande, est-ce que j'aurai un zizi? Ah bah quand tu seras grande, si t'es bien sage, t'auras un zizi, oui. Et puis si t'es pas sage, t'en auras plusieurs. Et maintenant, la blague de Clément Parmentier. Alors, on va se faire un petit monsieur et madame. Alors, on l'a. C'est bien. Monsieur et madame Ange les Laves avec Tony Gencil ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas. Non, c'est pas. Mohamed. Alors. Et alors, Mohamed, j'ai mis du Tony temps un Gencil. Peu. Donc en tout. Ça fait Mohamed Ange les Laves. Mohamed Ange les Laves avec Tony Gencil. Oh là là. La carte d'identité. Voilà, elle revient de loin. Puisque tout à l'heure, Fred l'a demandé, Rémi, est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu es venu à On va se marrer, quelle était la blague actuelle de Maurice? Je crois que c'était le clocher. Encore? C'était pas la vache et le citron? C'était encore le clocher? Remarque, le clocher a fait plusieurs années. Bah, le clocher m'a marqué, en fait. Oh là là, il y a eu multiples versions du clocher. Bon, alors pour ça vous m'a faire, traumatisé. Pour vous faire plaisir, on a retrouvé une version du clocher qu'on a peu réentendue. Ah. Alors, nous avons Claire tout court avec nous de la petite loge et on s'est dit que ça serait bien pour qu'elle puisse savoir si elle va pouvoir l'embaucher à la rentrée pour un spectacle, ouais, que Maurice lui raconte la fabuleuse blague du clocher. Ah, en direct? Ah, oui, bah oui. Ah, bah oui. Ah, ah, oui. Je me suis déplacé exprès pour ça, donc vas-y. Je alors, quelle est la différence entre un i et un clocher? Ah. Je ne sais pas. Ah, bah non. Ah, non, mais on t'écoute, Maurice. Je ne sais pas, j'espère que tu ne sais pas. Non, moi, je ne la connais pas. Non, on ne la connaît pas. Non, c'est quoi? Mais vas-y, le suspense est insoutenable. Vas-y, vas-y. C'est quoi la différence, Maurice? C'est la console. Jamais, jamais il ne va y arriver. Jamais. Je l'ai pas fait exprès. Oui, heureusement. Ah bah on joue bien que vous l'avez fait exprès. Jamais, jamais il ne va y arriver. C'est pas possible. Alors, Bob, Maurice va te la refaire. Alors, quelle est la... Quelle est... Qui y a-t-il hein? Oh le excusez-moi, en régie. J'ai tapé dans le micro, là. Comment il s'appelle le curé, là? C'est la... C'est l'abbé Résina, là. Quelle est la différence entre non, la... Qu'y a-t-il, t'as dit. Qui y a-t-il là mais non. Oh non, mais c'est une catastrophe. Non, bon. Quelle est la différence qu'y a-t-il entre un i et un clocher? Quelle est la différence qu'y a-t-il? C'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà. Voilà. Alors, pour Clément qui la connaît pas, fais-lui quand même la blague. Alors, mon cher Clément... Quelle est la différence entre un i et un clocher? Je ne sais pas. Alors, le i, c'est la voyelle, et le clocher, c'est la consonne. Oh, alors là, là, elle est très, très, alors là, très incroyable. Bon, ben, puisque vous avez été sage, vous allez pouvoir ressortir le bon tant pis et nous faire une petite chanson, mais ça sera juste après cette courte pause. Restez avec nous, on revient avec... Les décaféinés. Ouais, ouais. Retourne, on va se marrer avec nos deux équipes, le trio infernal, les soufflés cacahuètes et surtout les décaféinés, ah oui. Maurice. Ah, oui, ah tu oui. Les aimes, Rémi ces décaféinés. Et Clément. Dans leur spectacle, les dépressions musicales. Ah oui. Et où est-ce qu'on peut les voir, Maurice? Partout. Mais non. Oh. Mais sur Internet. Sur Internet, oh lesdécaféinés.com. Bah, tu le sais, alors pourquoi tu ne dis pas? Voilà, parce que ça t'énerve. Je passe à la télé, non? Oui, de temps en temps, chez Ruquier. Ah, ouais. Et il faut les soutenir quand même. Voilà. Et nous, le titre de l'émission de Ruquier, c'est quoi déjà? On ne demande qu'à en rire. Voilà. C'est vrai. Bah, répète. Bon, alors... On demande qu'à en rire. D'accord. Et pour info, nos chansons, nos sketchs musicaux sont téléchargements sur Internet. Ah. Et oui, et oui. Il y en a beaucoup du coup. Ah oui, donc on peut se les garder dans son iPad. Ouais, tout à fait. Se les écouter dans le métro, iPod, dans le bus. iPod, oui. Donc, alors, vous nous avez préparé une deuxième chanson. Oui. Qui s'intitule comment? J'ai appris la vie. Oh, j'ai appris la vie. Tout un programme. Voilà. Ah oui. En direct. Écoute, Maurice. En direct, écoutez attentivement. Voici les décaféinés. Ouais. On s'était dit rendez-vous dans 12 ans. On s'est demandé qu'est-ce que t'as fait tout ce temps. Elle m'a dit qu'elle n'avait fait que des enfants. Je lui ai dit, moi j'ai appris la vie. Pensez bien au rythme. Hein? J'ai appris que les nains étaient des humains. Que dans les films en 3D, les sous-titres sont en 2D. Appris que Tzatziki se dit facilement bourré. Que si t'as le nez bouché, tu peux pas en décéder. J'ai appris qu'on peut pas tout dire par texto. Que pour quitter ta copine, il y a les réseaux sociaux. Qu'il faut se couper les ongles, sinon tu coupes tes amis. Que les vieux c'est pas comme les jeunes, ça se jouit sur du Arletty. Vous auriez vu sa tête, elle était toute simplette. Elle qui pensait que j'étais bête, je lui ai montré que j'étais chouette. Vous l'auriez vu m'écouter, elle était épatée. Vous auriez vu sa bouche, elle était bée. J'ai appris que sentir mauvais ça gênait. Que le sel c'est pas comme le sucre, si tu confonds c'est pas bon. Que le papier cul il faut le dérouler pour s'essuyer. Que boire la mer les poissons, en fait c'est une expression. J'ai appris qu'un daltonien c'est pas un chien. Qu'un parapluie quand il pleut c'est mieux que quand il a plu. Que si tu veux un enfant faut le savoir 9 mois avant. Que même si tu me lèches les orteils t'auras pas mauvaise haleine. Vous auriez vu sa tête, elle était toute simplette. Elle qui pensait que j'étais bête, je lui ai montré que j'étais chouette. Vous l'auriez vu m'écouter, elle était épatée. Vous auriez vu sa bouche, elle était bée. Elle a trouvé ça mignon et elle a ri. Elle a trouvé que j'étais con. Elle est partie. Et là, j'ai appris que les filles c'était perspicace. Que si t'as pas les quatre as, elles hésitent pas, elles se cassent. J'ai appris que dans la vie, non, il ne faut surtout pas montrer si t'es con ou pas, parce que tu ne le sais pas. N'empêche que... Vous auriez vu sa tête, elle était toute simplette. Elle qui pensait que j'étais chouette, je lui ai montré que j'étais bête. Vous l'auriez vu m'écouter, elle était épatée. Vous auriez vu sa bouche, elle était bée. En anglais. En anglais. I wanna stand on the main, wanna slow down the wall. The wanna bend in the snow, and the wanna in the row. I wanna man in the way, I wanna man in the zoo. I wanna man in the zoo, dying in the low. Wow. Ça fait très country à la fin. Ah alors, ben. Je peux vous dire que les paroles rentrent bien dans la tête parce que René les connaissait déjà et il les mimait en même temps que vous. Bon, alors là, la suite, c'est bientôt donc un spectacle à Paris et puis bien sûr en tournée. On vous le souhaite d'ailleurs de partir dans toutes les salles. Peut, si les gens sont intéressés, on peut nous contacter sur notre site. On a oui, il y a un truc contact. Ouais. Contact, ah, on a l'adresse mail. Il y a même une adresse mail. Exactement. C'est dingue. Une adresse mail ou une adresse e-mail? Ah. Hein. Est-ce que vous connaissez la différence? Mais c'est pour les ours, non? Non, ah, ben, faut que Maurice vous parle Maurice de sa copine Maya l'abeille et sa cousine. Maurice, t'as un petit, tu veux un peu de motivation, tiens. C'est sa cousine, pas à moi, mon Maurice, cher Rémi et mon cher Clément. Oui. C'est Maya l'abeille qui reçoit sa cousine dans sa ruche, bien sûr. Ah. Et elle lui dit j'ai j'ai internet dans ma ruche. Ah. Hein? Et tu devrais me donner ton email. Non. Ton email. C'est pas vrai. Du coup, j'ai pas compris. Non, mais non, évidemment, c'est pas drôle. C'est pas drôle, Maurice. Non, allez, oh, c'est le genre de blague sur laquelle faut notamment pas se planter sur la chute. J'étais concentré, puis je suis concentré. À 3 mètres de l'arrivée, tu cales. Non. Alors donne-moi. J'ai rien compris. Donne-moi ton email. Ton adresse. Ton adresse email. Imiel. Je comprends pas ce qu'il dit. Hein. Il faut que tu la décomposes. Bon, on va pas tarder. Hein. Miel. Et on va y aller. Imiel. Imiel. Voilà. Ah bah voilà, alors tiens, voilà. Vas-y, refais. Du coup, j'ai alors oublié la blague, moi. Ils ont oublié, du coup. Alors, vas-y. J'ai complètement zappé. Comment qu'elle s'appelle? Maya. Maya. Maya l'abeille. C'est une abeille extraordinaire. On est pressé, on a plus le temps. Allez, Imiel. C'est Maya l'abeille qui rencontre sa cousine. Cette petite abeille porte le nom de Maya l'abeille qui rencontre qui a sa ruche, qui a un chien qui s'énerve tout seul, qui a internet dans sa ruche et oui. Elle demande à sa cousine ah. Donne-moi ton adresse e-mail. Oh, e-mail. Moi, je ne comprends pas. Oh, moi. Non, c'est vrai, c'est tout. Donne-moi ton adresse e-mail. E-mail. Donne-moi ton adresse. J'ai oublié le début maintenant. Mais c'est qui, Maya l'abeille? Tu sais, tu sais, si tu veux pas t'énerver, Maurice, hein, oui. T'as qu'à changer la fin, tu dis donne-moi ton fax. Ton adresse e-fax. Ah, bon. Bah là, j'ai compris. Ah Jingle. Oui, c'est pour couper un peu l'herbe sous le pied de Maurice. Alors. J'ai une petite épreuve quand même après toutes ces émotions, oui. Parce qu'il nous manque des points. Et c'est à nouveau la main passe, comme tout à l'heure, des informations pendant 10 secondes, la main passe, etc. Et cette fois-ci, je vous fais trouver un lieu, Bob. Bah, oui. Je commence par l'équipe qui est menée, donc l'équipe de Bob. et Maurice. Et là, c'est facile. Je vous le dis tout de suite, c'est très facile. Ah. Cash. Tu nous le dis tout net. Top. Je suis situé sur la mer Ionienne. Je dois mon nom à Corkyra, une nymphe fille du fleuve Asopos et de la rivière nymphe Métopée. Samos. 99. Ouais. L'île de Samos, non ? La main passe. Ah. Top. Poséidon étant tombé amoureux d'elle, l'aurait emmenée sur mon île. De leurs amours est né Phéax. Ce dernier nom pourrait également expliquer l'origine du nom des Phéaciens. Non, des Phéaciens, pardon. Ouais, des Phéaciens. Des Phéaciens. Moi, je dirais Corfou. J'ai compris aucun mot de l'explication. Des mots trop longs. Oui. Moi, j'ose pas le dire. Ouais. Moi, je dirais Corfou. Ouais, probablement, je ne sais pas. Bah, on dit Corfou. Oui. Mmh. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ah, bravo. Ah, ouais. Oui. Bravo. Une petite chanson de Nana Mouskouri. J'ai reçu l'amour en héritage. Ah oui. C'est Nana Mouskouri qui chantait ça. Oui. Tu vois qu'il a quand même. Frédéric, c'est un jukebox ambulant. Oh, oui, t'as vous lui mettez une pièce dans la fente et ça démarre. Ça fait les billets. Mais je prends les chèques et les cartes bleues. Faut faire le code ou pas ? Mais viens me taper le code. Bon, alors, justement, à propos. Le code PIN. Non, mais non, à propos de rien, parce qu'il n'y a pas son petit jeu. Code PIN. Faut rentrer le PIN. Le puck. Le code il cherche. PIN, oui. Il faut rentrer le code PIN. Il vous cherche. Ben oui. J'ai pas de code PIN en ce moment. Est-ce que vous connaissez le. L'Almana Vermo. Est-ce que vous connaissez. Pas le... Est-ce que vous connaissez est-ce la différence vous... qu'y a-t-il ? Est-ce que vous connaissez le seul jeu radiophonique qui ne soit que dans On va se marrer ? Personne d'autre ne le fait. Ouais. C'est le fabuleux jeu de la photo mystère. Ça, c'est fabuleux. Et nos auditeurs doivent trouver. Non, alors, c'est vous qui êtes sur la photo mystère. C'est vous qui allez à la radio. C'est vous qui allez devoir trouver, car c'est une photo mystère que l'on confie chaque semaine à Maurice. Ça peut se manger par la et bouche. Et qui Maurice va vous donner des informations très bien, très importantes pour trouver ce qu'il y a sur sa photo mystère. Ah, c'est bien ça. Alors, ah oui, non, là ça promet. Je vous préviens tout de suite. Restez avec nous. On revient avec les décaféinés. Très bien. Retour, on va se marrer avec Maurice. Ouais, Maurice. Ouais. Qui va nous faire la promo tout de suite. Les décaféinés dans leur sketch musicaux qui s'appelle La dépression musicale par Rémi Derval et Non, pas Montier, c'est mon patate. Par Rémi Derval, Maurice. Non, Deval. Ah, tu le connais quand même, ça fait au moins 10 fois que tu le vois. Eh oui, je le connais très bien en plus. Oui. C'est un très grand ami. Oh là, moi j'aurais peur. Ah bon, t'es routier ? Non, à la place de Rémi, j'aurais très peur. Alors bon. Mais bon. Ah, je sais pas. Et Clément Parmentier que j'ai oublié. Les garçons, nous avons donc confié comme chaque semaine à Maurice une ça photo. Manque de vraies filles dans cette une photo mystère. Et boule de gomme. Une photo mystère. Bah, donc, nous la montrera pas. Maurice va devoir faire découvrir ce qu'il y a sur cette photo mystère en vous donnant des informations pendant 10 secondes. Bob est déjà navré. Donc il donne 10 secondes d'infos à Bob. Si Bob trouve, tant mieux. S'il trouve pas, c'est à tant vous de chercher. Il vous donne 10 secondes, etc. Et c'est la première équipe qui trouve ce qu'il y a sur la photo mystère, qui marque le point. Ce qui est important de dire, c'est que Maurice n'a pas le droit, bien sûr, de citer le nom composé de sa photo mystère. C'est-à-dire que si c'est un nom composé, il ne peut pas citer les mots qui composent le nom de sa photo mystère. Là, tout le monde a décroché. On dirait un discours de Michel Rocard. Et il a un mot interdit supplémentaire qu'il n'a aussi pas le droit de prononcer. Il n'a aussi pas le droit. Ça sera un deuxième point. Ça, c'est pas Bernard Pivot qui a écrit le mot sport, hein. Donc, pour éviter aussi de perdre du temps, parce que Maurice, quelquefois, quand le chrono part, il n'est pas prêt. Ah, bon, et du coup, bizarre. Il perd 5, 6, voire 8 secondes sur ses 10 secondes. Donc, ça fait juste. Ah oui. Des fois, il perd 10 secondes. Donc, une syllabe. Voilà. Il a juste le temps de dire Voilà. Donc, pour éviter. 10 secondes. Alors, pour éviter ça, on a deux choses. On lui fait dire « e » avant. Vas-y. Ah. Et « e ». Voilà. Et donc, c'est lui qui danse, qui lance. Ah non, s'il danse, moi, je me casse. Hein. C'est lui qui lance le chrono. Va falloir, il va avoir un temps que ça s'arrête. Alors, Maurice, voilà. Tu donnes le chrono quand tu veux et c'est pour ton collègue Bob. Alors, stop, Bob. C'est un objet de petite taille qui a différentes matières, qui peut être dans une fête. Alors, généralement, Bob trouve facilement mon premier... Ah oui. Alors, attends, hein, laisse-moi un peu réfléchir. Alors, réfléchis. Il y a différentes matières. Une petite taille. De petite taille, de différentes matières. Et qui peut être dans une fête. Et qui peut être dans une fête. Et qui peut être. Oui, oui, enfin bon, avec qui peut être, c'est-à-dire qui est. Ouais. Ah oui, oui, ah, oui, non, mais là, moi, j'ai rien dit, là. Non, hein. On a une longue... ah bon, je vais dire... Pour finir les phrases. Hein. Oui. Des petits fours. Voilà. Non. Ah. Oui, c'est pas une personne, c'est un... Ah, on sait pas encore. Ah, ça peut être tout, ça peut être tout. Ah ben là, il avait pas dit, il avait pas dit que ça se mangeait. Il a dit c'est un objet de petite taille. Il a pas dit encore. Pas encore. Alors stop. On peut aussi le trouver dans des manifestations. Ça fait du bruit. Ça a différentes couleurs. Ça se déplie. Ça se déplie parce que moi à la base j'aurais dit un sifflet. Ouais, non, mais ça peut être une langue de belle-mère. Langue de belle-mère. C'est les. Ouais. Le truc qui... Bah, c'est un. Bon, alors une langue de belle-mère. Langue de belle-mère. Oui. Oh là là. Alors là. Hey. Là, il nous a donné des bonnes expériences. Alors là, il était clair. Là, je ne dirais qu'un mot, oui, c'était parfait. Ah, mais ce qu'il t'a donné était bon aussi, mais c'était oui, le début. Oui, mais bon, c'était trop court. Ouais. Non, c'est, alors, c'est ce qu'on lui dit toujours. Le mot interdit. Ah oui, le mot interdit. C'est eux qui ont trouvé. Le mot interdit. Bah, sifflet. Sifflet, le verbe. Non. Carnaval. Ah, c'est pour Bob maintenant. Ah, je crois savoir. Oui. Je crois. Fouette, fouette. Non. Je crois savoir. Souffler. Eh oui. Ah, c'est souffler le. Oui, mais souffler n'est pas joué. Oui. Ah oui. Bon ben, bah, hey, là, alors là, moi, c'est une en moins de 4 minutes. Ah oui. Bravo. Ah oui, une photo, bravo, mystère bravo, trouvé. Bravo, alors Maurice, ça. Bravo. Voilà. Non, parce que c'est vrai, quand tu même... Tu devrais repicoler un peu, c'était bien mieux avant. Ah, moi, j'aime bien quand c'est le concombre. Non, parce qu'il faut dire quand même que vous êtes là ce soir, mais qu'il y a que certains soirs où la photo mystère est plus laborieuse. Alors, stop. Arrête de rire. 10 secondes, Maurice, alors, pas 30. Hein. Alors, on peut le trouver... 6 secondes déjà. C'est pour... Oh là, putain. Oui. Voilà. Moi, je ne joue pas. J'ai fumé une cigarette et j'emmerde tout le monde. Pour 10 secondes, des infos pour ton équipe. Moi, je le vois d'ici, Maurice. Top chrono. Allez. Alors, qu'est-ce que je donne ? Des infos pour ton équipe. Ah, des infos. Ah, bah, qu'est-ce que je donne ? Des infos. Alors, c'est un film. C'est fini. Alors, tu as dit, qu'est-ce que je donne ? Des infos ? Qu'est-ce que je donne ? C'est un film. C'est un film. Super. Merci, Maurice. Donc, c'est un film, Bob. Alors, pour 10 secondes supplémentaires, Maurice, donc c'est pas un mouton et c'est pas une mycose. Hein. Non, non. Attention, là, donne des infos. Non, mais donne un truc très précis. Oui, non, mais je sais pas comment ça. Si, comment on le mange. Ah oui. Ah, ça se mange. Alors, oui. T'aurais pu commencer par ça déjà. Non, alors. C'est plus drôle quand même. Alors, est-ce que tu as. Est-ce que... Allez, top, on y va. Alors. Alors, ça se mange en entrée, par la bouche, bien sûr. Non, mais. Là, non, il a rien dit, là. Je voudrais dire. Okay. Je voudrais dire. Là, il a rien dit, là. Il a rien dit. Ça se mange. Je voudrais dire aux auditeurs qu'en région. Des fois, il y a des cons qui mettraient ça. Donc, Bob, c'est pas un concombre. Non. C'est pas un concombre. Et ça peut pas être une bite. Parce que le concombre, il se mange, mais pas par la bouche. Et ça peut. Et le pire. Le pire, c'est que c'était un concombre. Oui. Le pire, c'est que c'était un concombre. C'était un ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Non, c'est quand même insensé. Non, mais attendez. Oui, alors vous avez constaté quand même qu'avec Maurice, on s'attend à tout. Hein. Ah, il oui. y a des surprises toutes les semaines. On a tout. Donc si vous avez besoin pour votre spectacle d'éventuellement un choriste. Surtout ne l'appelez pas. Non, pour la chorégraphie. Parce que il y a de la chorégraphie aussi. Ah oui. Ah, c'est très important le visuel. On soigne ça. Ouais. On a dû apprendre le Madison, la salsa. Oui. De manière dépressive, hein, lentement. On n'est pas des pros, hein, évidemment. Et alors, vous avez... ça fatigue quand on le fait trop vite. Oui. Oui. Et vous avez aussi des costumes adéquats. Ah bah, faut voir les costumes. On a le costume. Ouais. Comment on est habillé. Tu vois les déchets. Bah, le bas. Tu vois les déchets, bah, c'est pire. Voilà. Ah non. Ah, si. On est habillé pareil. Mais comment Fred, t'as déjà vu, toi, le spectacle? Bah parce que je regarde l'émission de Laurent Ruquier. Ah. On me demande et parce rire. Que je vais sur Internet, sur lesdécaféinés.com. Eh oui. Et ah, sur y a leur page extraits. Facebook. Et nos musiques sont en téléchargement sur Internet. Et bien sûr. Bon, bah alors, écoutez, moi, je pense qu'il n'y a plus qu'une seule chose. Je vends ma 205. Il y a deux choses à faire. C'est d'une part d'aller sur le Facebook ou le site Internet desdécaféinés.com. Ou de le regarder sur Laurent Ruquier. Ah oui, mais pour le regarder sur Laurent Ruquier. Ouais, ouais. Une émission On va se marrer. Mais non. Non, mais c'est non. La nôtre. C'est la nôtre, on va se marrer. Oh, mais qu'il est con, c'est pas vrai. Non. Oh, mais qu'il est con. Mais déjà tout petit, il était. Mais en été, on t'abandonne sur une aire d'auto. Ah bah non, ça risquerait de te plaire. On va, je pense, applaudir et remercier Rémi Deval. Merci à vous. Et Clément Parmentier. Merci à vous. Vous. Merci beaucoup. Mais vous n'êtes pas encore parti car il y a les totos. Je dois dire que. Pas obligé de faire les totos. Hein. Bah si, quand même, c'est les auditeurs ont perdu. Alors attendez, déjà, les soufflés cacahuètes, vous avez marqué 6 points. C'est pas mal. C'est quand même pas mal, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est quand même bien joué. Philippe. Philippe. Encore, c'est peu. Oui. Philippe, vu qu'il y a eu des confusions sur certaines questions, oui. Je propose qu'on déclare match nul aujourd'hui. Oh là là! Alors là, Frédéric est fair play. Hein. Parce que sinon, on avait combien? Bah non. Sinon, vous aviez 11 points. Ah bah non, alors! Non, mais on n'est pas d'accord. Je ne vous entends pas, de toute façon. Non. Donc, Rémi Deval et Clément Parmentier n'étant pas d'accord avec cette proposition, je déclare vainqueur le trio infernal. Ouais, bravo, bravo, bravo. Un peu plus de modestie, s'il vous plaît. On vous donnera des soufflets cacahuètes. Des choses importantes, si vous voulez réentendre l'émission, c'est sur iTunes, c'est onvasemarrer.com. Les photos, c'est sur la page Facebook d'On va se marrer. Et puis la semaine prochaine, eh ben, on va se marrer encore. Même heure, même punition. Ouais. Salut.